lyricism and hip-hop is, you know, to be able to rap is a blessing. You know, when you get, it's going to have some creativity and imagination in it. That's what lyricism is about. Mais appelle-moi un dictionnaire au centre d'information. Okay. J'ai grandi, va prendre la place de Matignon. Je suis rebelle, baba cool pour une piste rébellion. Va tes mamans, dico des neurones en reconnexion. Je suis toujours pareil pour absorber des connaissances. Je te hache des poésies qui dénoncent avec tant d'aisance. Tu ne connais rien du monde, revois ta culture G. Ce n'est pas à l'école que tu vas philosopher. Je te parle d'inconscient et pas de philosophie. De la mythologie remixée en psychologie. Un texte à thérapie en séance de médecine. Pour les gens qui battent les mélancoliques. J'ai pas besoin de psy, je suis juste un misanthrope. Cette maladie, ils me font un joyeux psychotrope. Certains ont choisi le sexe et d'autres sous drogue au sport. Si tu veux pas de corps à corps, viens tomber dans le spa. Laisse-moi bader en paix et laisse-moi poser tout seul. Sur un élan psychologique basé sur mon orgueil. Laisse-moi bader en paix et laisse-moi poser tout seul. Laissez écrire ma vie et le bonheur en faire le deuil. Laisse-moi bader en paix et laisse-moi poser tout seul. Sur un élan psychologique basé sur mon orgueil. Laisse-moi bader en paix et laisse-moi poser tout seul. Laissez écrire ma vie et le bonheur en faire le deuil. Tu tournes à plein régime, les neurones se chauffent entier. Tu fais l'apologie du bien, au fond t'es malheureux. Les gens autour de toi fantasment sur l'intelligence. Sous le poids d'un système qui forme à l'ignorance. Le croyant y pense et vont rêver sur un dieu. Crois-moi, futé c'est bon et bien, mais qu'on sait encore mieux. Ne va pas croire que la cervelle t'aide à devenir sage. La plupart du temps favorise la haine et la rage. Comme une foi de concurrence qui est mathématique. C'est une thématique basée sur ton astrologique. Comme si la vie et la mort devenaient arithmétiques. Sur des soucis logiques d'une populace multiethnique. Pas besoin de formules, de calculs ultra complexes. Comme plus et moins ça tire, ça nous emmène dans le sexe. Partisans croyants d'une vie homopolite. Par enjeu tes mythos, faux calculs sociologiques. Laisse-moi bader en paix et laisse-moi poser tout seul. Sur un élan psychologique basé sur mon orgueil. Laisse-moi bader en paix et laisse-moi poser tout seul. Laissez écrire ma vie et le bonheur en faire le deuil. Laisse-moi bader en paix et laisse-moi poser tout seul. Sur un élan psychologique basé sur mon orgueil. Laisse-moi bader en paix et laisse-moi poser tout seul. Laissez écrire ma vie et le bonheur en faire le deuil.